Radio Mont Blanc, l'agenda. Un des rendez-vous jazz incontournables entre la France et la Suisse est de retour. Jazz Contrebande de Genève à Annecy, en passant par Annemasse, ce réseau transfrontalier réunit une quarantaine de lieux pour faire vivre le jazz, la soul, le blues, la fusion. Encore cette année, le festival propose une riche programmation de concerts, de masterclass et autres événements culturels. Ça débute ce mercredi 1er octobre et ce sera tout le mois le détail de toute la programmation sur jazzcontrebande.com. File du côté d'Annecy pour là cette fois-ci découvrir une nouveauté, le tout premier grand show signé Aria Fresca, un spectacle puissant, sensible, visuel où l'art se vit pleinement au travers de musiciens, de danseurs, d'acrobates qui se relaient sur scène, vous offrant un voyage vibrant et surprenant. Rendez-vous à la salle Pierre Alamy ce vendredi 3 octobre à 20h30. Au programme, une soirée autour de l'album Rose Noire. Un univers qui vous attend, un univers unique. Préparez-vous, je vous le dis, à vivre une expérience artistique complète. Et puis, sinon, on change d'ambiance. Rien de prévu ce week-end. Eh bien, je vous propose de plonger dans l'univers des Vikings au château des Rubins lors de l'événement Odin aux Rubins. Ce sera ce week-end, les 4 et 5 octobre. Au programme, démonstration de combat, lancer de hache, présentation d'armes vikings et même un atelier tatouage. Et puis, samedi soir à 20h30, en plus, place un concert de musique celtique. Radio Mont Blanc est ravie de vous offrir vos entrées pour l'un des deux jours de ce week-end spécial Viking au château des Rubins. C'est tout simple, vous envoyez Viking sur le WhatsApp au 04 50 58 24 47.